6. Le dernier soir, Anatoli accepta de dîner chez les Antoine. Sa maison rangée, armoire close, tout enfermée, les meubles couverts de draps comme de sphères, du papier dans les fentes des fenêtres et des portes, de la chimie contre les papillons. Cette demeure était déjà prête pour l'abandon. Seul et resté vivant, le lit où Anatoli passerait une nuit encore, et elle s'en irait le lendemain, dès le matin. La tante Pauline eut invité les René avec plaisir, de sorte que ce dîner d'adieu, réunissant toute la famille, fut assez touchant. Mais Anatoli refusa les René. Elle irait dans l'après-midi voir sa tante Henriette. Cela suffisait, à son gré, parfaitement. Elle ajouta. « Et je vous en prie, tante Pauline, un dîner comme les autres. Ce ne sera pas sentimental. »« Si tu y tiens, » répondit la tante Pauline, qui, depuis son veuvage, adorait les alarmes du sentiment. Anatoli arriva en costume de voyage. « Vous m'excusez, tante Pauline, mes malles sont faites, et je n'ai gardé que cette robe. »« Chère petite, une robe noire et de grand deuil, mais courte. » »« Et puis surtout un air de voyageuse, une mine éveillée, pimpante. » La tante Pauline, à table, avait en face d'elle son fils aîné, Pierre, et à sa droite Laurent, le cadet. Anatoli fut en face de Laurent. Les deux frères, des garçons de 27 et de 28 ans, se ressemblaient de visage, et non de physionomie. Pierre était un excellent ouvrier qui aimait l'usine et qui semblait n'aimer qu'elle au monde et qu'il l'aimait en ouvrier. D'ailleurs, il avait cessé de considérer son oncle René autrement que comme un patron. Il le haïssait, il lui obéissait et il accomplissait avec rigueur sa tâche quotidienne. Laurent, lui, était un rêveur blessé. Il n'aurait pas eu l'initiative de quitter son métier, d'en chercher un autre. On l'employait aux écritures et il faisait machinalement son travail avec amertume. Ce soir-là, plus que jamais, Laurent fut morose. La tante Pauline avait promis de n'être pas sentimentale. Faute de s'apitoyer à sa convenance, elle était énormément silencieuse. Pierre, lui, ne montrait aucun attendrissement. Il bavardait, il disait à sa cousine. « Alors, tu vas quitter l'oncle René, comme ça, sans trop de chagrin ? Eh bien, ma belle, tu m'épates. » Il affectait, ou il avait pris naturellement une vulgarité, qu'Anatoli, d'ordinaire, ne goûtait pas, et qui soudain lui parut opportune, réconfortante dans la mélancolie que la tante Pauline et Laurent répandaient sans réserve. Anatoli encouragea les propos allègres de Pierre. Elle appuya sur lui une espèce de langueur qui la gagnait, et qui était un peu de lassitude, un peu d'émoi, un peu de songe. Les Antoine avaient conservé, tandis que les René embellissaient leur existence, et recherchait un luxe averti, une simplicité cossue et l'usage de la bourgeoisie ancienne. Il en résultait chez eux de la tranquillité, du repos, le bien-être de la vie continuée, la dignité quiète de l'habitude. Quand la soupière eut été posée sur la table, son couvercle ôté, il en sortit de la fumée, une bonne odeur. « Ce n'est pas à Paris qu'on fait de la soupe comme ça, » dit Pierre. « Ne la taquine pas, » murmura la tante Pauline. « Et Pierre, dame, il faut qu'elle sache ce qui l'attend. Du potage. C'est froid, on en a un tout petit peu dans son assiette, et ça se mange du bout des lèvres. Tiens, regarde. » Il lui donnait la comédie, et elle riait, contente de lui, et du tour que prenait la causerie avec son aide. Elle n'était pas gourmande, et le changement de soupe ne l'effrayait pas. Mais autour de la soupière, elle ne sut comment se réunir des souvenirs qu'elle n'eût pas énumérés, ou énoncer ou détacher les uns des autres des impressions de souvenirs. Quand la tante Pauline distribua les assiettées, la voyageuse se disait « On est bien ici ». Elle ne l'aurait pas dit tout haut, de crainte qu'on ne lui répondît « Reste ». Or, elle devait partir. Seulement, si on lui avait demandé pourquoi, en cet instant, elle l'oubliait. Le dîner continua ainsi, jusqu'au dessert, qui traîna un peu longuement. Pierre, depuis le fromage et les fruits refusés, fumant sa pipe et racontant mille choses. Il parlait de l'usine et notait le mauvais esprit des ouvriers. Il interrogeait son frère. Dans les bureaux, ça remue ? Laurent ne s'était aperçu de rien. « Ça ne m'étonne pas, » fit Pierre, un poète. « Il paraît qu'on a vu l'autre jour dans la ville ce petit Paulin. Ce gaillard-là viendrait nous fomenter une grève. Je n'en serais qu'à moitié surpris. » Anatoli, un peu tremblante, laissa passer la phrase. La tante Pauline prit mollement la défense de son filleul. Pierre répartit. « C'est un révolutionnaire. Et moi, j'ai beau n'être qu'un ouvrier, je suis pour le patron. Et ce n'est pas que je l'aime. » Laurent hasarda. « Pour le patron, s'il a raison, pour les ouvriers, s'il a tort. » Pierre se fâcha. « Mais le patron a toujours tort. Comment veux-tu qu'un patron n'ait pas tort? Le bon Dieu lui-même a tort. » Pauline le supplia de ne pas dire de bêtises. « Mais oui, le bon Dieu a tort constamment. » « Ça ne vous empêche pas d'aller à la messe. »« Eh bien, moi, je suis pour le patron qui a tort. »« C'est un principe. »« Et sans ça, on est un révolutionnaire. »« Alors, dit Laurent, je suis un révolutionnaire. »« Parfaitement. »« Mais tu n'es pas dangereux, parce que tout chez toi tourne en poésie. »« Sans ça... »« Mon pauvre Laurent, reprit Anatolie Parjeu, jamais je ne t'aurais cru révolutionnaire. Jamais. » « Oh !» fit Pierre avec bonhomie, « on ne le connaît pas. » À 10 heures, la tante Pauline avait sommeil, quand Anatolie annonça qu'elle s'en allait. Laurent devait la reconduire. La tante Pauline se leva de son demi-assoupissement pour céder au plaisir de répandre quelques larmes. Elle dit à sa nièce, « À demain, ma pauvre chérie, je serai à la gare. »« Pas moi, dit Pierre, à 8h30, tu sais, je suis à l'atelier depuis 1 heure, et je n'en bouge plus. » Anatolie répondit, « C'est beaucoup mieux. » « Vous ne devriez pas venir, ma tante. À quoi bon faire durer les adieux et insister sur la tristesse ?» Voilà précisément ce qu'aimait la tante Pauline. « Non, non, dit-elle d'une voix éteinte. Je veux t'embrasser à la dernière minute, ma pauvre chérie. » Pierre n'approuvait pas tant d'effusion. « Mais pourquoi l'appelez-vous une pauvre chérie? Est-elle à plaindre? Si elle s'en va, c'est qu'elle a envie de s'en aller. » À ce moment, Anatolie n'était pas sûre de n'être pas une pauvre chérie. Mais elle fit bonne figure et dit « Évidemment !» La tante Pauline hochait la tête. Ce n'est pas avec des raisons péremptoires qu'on la dérangeait de ses sentiments préférés. Dehors, il y avait la belle nuit d'été, pleine d'étoiles et tiède. « Mon pauvre Laurent, dit Anatolie, je te fais sortir, et c'est une corvée. Ma vieille Catherine était si lasse de ses rangements que je lui ai dit de se coucher. Je me passerai d'elle. » Il répondit, « Ce n'est pas une corvée. » Après un peu de temps, il ajouta, « C'est mon dernier plaisir. » Elle fut si étonnée de cet aveu qu'avant de rien trouver à dire en échange d'un mot si gracieux, elle hésita. « Tu es gentil, Laurent, » fit-elle. Et comme c'était une parole courte et insuffisante, elle reprit. « Tout à l'heure, au sujet des ouvriers et des patrons, j'étais avec toi, de tout cœur. Ce Pierre, c'est un type. Il est heureux. Il a organisé sa vie comme il pouvait l'organiser. Il a réglé ses opinions sur sa vie. Il ne doute d'aucune de ses opinions. Ce qu'il n'a pas, il ne le désire pas. Il le méprise même. Il est content. » Mais toi, Laurent, tu ne l'es pas. Je le devinais. Oh, moi, ne parlons pas de moi. Elle songeait qu'il eût été aimable et tendre de répliquer. Mais si, parlons de toi, Laurent. Comme il le souhaitait et comme elle s'y fut prêtée. Seulement, plus il était évasif et plus elle le sentait riche de confidences. Il leur fallait 5 minutes pour arriver chez elle. Puis elle partait le lendemain matin. La conversation serait, et peut-être, à jamais interrompue. Aussi, pourquoi donc attendre si tard avant de rien dire? Il avait toujours été silencieux. Elle admira la belle nuit. « Regarde, Laurent, quelle tranquillité des étoiles !» Craintif, il lui demanda. « Si tu voulais, nous ferions le tour des buttes. » Elle était un peu lasse, elle répondit. « Alors, je prends ton bras. »« Oh, mais peut-être n'as-tu pas envie de marcher. Je suis égoïste, rentrons. »« Pas du tout, conduis-moi. Je vais dire adieu à mon vieux Castillac. »« Tu le détestes ?»« Non, reprit-elle. » Si je devais y rester, je le détesterais, ça oui, mais au moment de le quitter, je l'aime, c'est drôle, n'est-ce pas? À 10 heures, toutes les maisons de Castillac dormaient, et il n'y avait plus personne dans les rues. À peine de place en place, quelques petites gens prolongeaient-ils sur le pas des portes la soirée, profitant de son charme frais. Anatolie et Laurent, de la même allure jeune et alerte, cheminaient. La lune ne se voyait pas. On apercevait seulement par endroits sa lueur dans l'intervalle des maisons. Et les étoiles suffisaient à la clarté de la nuit. La pénombre semblait convenir mieux que la pleine lumière à la petite ville, qui, ainsi devinée, autant que vue, prenait une poésie douce et intime. Sur les murailles jouait à droite et à gauche l'alternance d'un peu plus d'ombre et d'un peu plus de blancheur. Les nuances se réunissaient joliment. Et quel silence, comme un parfum! Quelquefois, un contrevent se fermait. On entendait ce bruit rapide, pareil au cri d'un oiseau nocturne. Puis le silence reprenait. « As-tu remarqué, dit Anatolie, pendant le jour on croit que le silence est un accident qui arrive au bruit, mais pendant la nuit on sait que le silence est la réalité. Le bruit le touche à peine. » « Oui, répondit Laurent avec ardeur. On croit aussi que la nuit n'est que le manque de jour. Vois, la nuit n'est pas moins réelle que le jour. Je me demande si elle n'est pas plus réelle, et si le jour n'est pas une défaillance de la nuit. » Anatolie ne savait pas que son cousin pût jamais penser et parler de telle sorte. Elle lui dit, « C'est vrai que tu es un poète. » S'il fut flatté, il éprouva surtout un peu de peine subtile à sentir que pour l'admirer, elle avait dû se détacher de lui, défaire l'union de leur rêverie. Ils arrivèrent devant l'église. Anatoli voulut un instant s'arrêter. La façade où il y avait Jésus, le taureau de Saint-Luc, le lion de Saint-Marc, l'ange de Saint-Matthieu et l'aigle de Saint-Jean, puis Saint-Christophe immense et la nuque chargée du fardeau divin, puis d'autres saints, et des prophètes, et Virgile avec la sibylle de Cume, cette grande allégorie, et ce mystique rébus gravé dans la pierre, étendu à l'intelligence des chrétiens, qui passe rayonnait doucement de blancheur et de pensée. Dans le retrait d'un porche, deux statues non isolées comme les autres, mais attentives l'une à l'autre, étaient la Sainte Vierge et Sainte Élisabeth, et figuraient la Visitation. Elles continuaient dans la nuit leur conciliabule. Anatoli dit à Laurent que les statues sont patientes. Les buttes, par où ils devaient achever leur promenade, n'étaient pas loin de l'église. Elles bordaient en quart de cercle l'une des extrémités de la ville et, hors de l'enceinte ancienne, laissaient un quartier pauvre, dit la basse ville, et plusieurs couvents. Refuge de la foi parmi la pauvreté, couvent abandonné, acquis par l'État Charpardeur, un ou deux pourtant qui conservaient leurs nonnes garde-malades. À petits coups, grêle tinta, soudainement quelques secondes, la clochette de l'un de ces couvents, et ce fut comme si dans la nuit dormante il s'élevait une courte prière. « Écoute, » fit Anatoli, mais il n'écoutait rien au-dehors de lui. Il ne répondit pas. Et il dit, cédant à l'impulsion vive de son cœur, « Quel chagrin me fait ton départ, Anatoli, tu ne peux pas l'imaginer !» Elle le savait alarmée depuis le commencement de leur promenade, mais elle ne s'attendait pas que ce dût être ainsi, et principalement qu'il ne le dissimulât plus. Très sincèrement, elle demanda « Pourquoi ?» Et c'était bien la vérité. Pourquoi tant de chagrin, lorsque jamais il n'avait montré de plaisir auprès d'elle ? Il répondit « Ah, il valait mieux de ne pas te le dire. » « Asseyons-nous, » fit-elle, un peu émue, un peu impatientée. Il y avait un banc tourné vers les couvents et la basse ville. « Seulement ne restons qu'une minute. » « Tu as du chagrin ? J'en ai aussi, Laurent. »« Mais non, » dit-il avec douleur, « puisque tu t'en vas. »« Je n'avais pas de chagrin, non, mais j'en ai maintenant si mon départ te fait de la peine. »« Avoue que je ne pouvais pas beaucoup m'en douter. »« Si tu me l'avais dit plus tôt, tu serais parti tout de même, avoue-le. » Elle se consulta et, comme il lui parlait en pleine vérité, elle ne voulut pas être déloyale. « Oui, je serais parti tout de même. » Il reprit. « Et moi, si tu n'avais pas dû partir, jamais je ne t'aurais rien dit de ce genre, jamais. » Elle pensa, « Dame, si je n'étais pas parti, bien sûr. » Il continuait, « La vie sans toi sera plus triste encore qu'elle ne l'était, et je redoute ces journées interminables, si monotones et qui n'auront plus le seul divertissement qu'elles avaient, celui qui leur venait de toi. Je ne te voyais pas souvent, mais je savais que tu étais là, et que j'aurais pu te voir s'il n'y avait pas eu en moi une gaucherie, qui fait que je me prive de mon plaisir obstinément, et mon Dieu, pourquoi ?»« Mais oui, pourquoi » demanda-t-elle. « Si tu étais venu me voir plus souvent, nous serions devenus depuis longtemps les amis que nous devenons ce soir, à la veille de nous séparer. Que veux-tu ? Je ne sais pas être heureux. On est ainsi, nous avons, Pierre et moi, la même destinée. Il est heureux et je ne le suis pas. » « Moi non plus, » dit Anatoli. « Je le savais, » répondit Laurent. « Je voyais bien qu'avec tes airs d'entrain et de temps en temps, avec tes airs si découragés, tu n'étais pas heureuse. Il me semblait que cette analogie favorisait notre entente. » À certains jours, je me suis figuré qu'il y avait entre nous une entente secrète. Seulement, tu ne t'en es pas aperçu ? » Elle n'osa pas avouer que non, mais elle ne s'était aperçue de rien. Comme elle se taisait, il se leva. « Rentrons, je te fais coucher tard, et demain tu pars de bonne heure. » Elle se leva aussi. Elle était comme appesantie de tristesse amicale. Laurent l'attendit, ne sachant si elle lui prendrait le bras. Elle ne vit pas qu'il l'eût souhaité. Elle marcha auprès de lui, sans plus rien dire. Pour occuper leur silence, il consentit qu'elle avait bien raison de quitter Castillac, et un ennui si morne. Il se doutait naguère qu'un beau jour, elle ne supporterait plus cette lenteur du temps, et qu'elle s'en irait. Et il bavardait inutilement. Puis, quand ils furent à très peu de distance de la maison où demeurait Anatoli pour la dernière nuit, il perdit toute sa volonté de se contraindre. Un sanglot lui coupa sa phrase insignifiante. Il saisit la main d'Anatoli. « Mon petit Laurent, » fit-elle. Et il pleurait, pressant le pas. Que n'eût-elle dit pour le consoler ? « Tu viendras me voir à Paris, tu m'écriras. » Il faisait signe que non. « Qui sait si je ne reviendrai pas à Castillac ?» Elle se repentait de lui donner cet espoir, mais il ne l'écoutait plus, tout à ses larmes. Quand ils eurent la porte de la maison devant eux, Anatoli tira de son sac aussi vite qu'elle le put sa clé. Il avait encore à lui dire « Après cela, je te laisse, Et pardonne-moi de te poser cette question un peu absurde. On m'a dit qu'on t'avait rencontré l'autre jour qu'il te promenait avec Paulin. Eh bien, fit-elle, c'est vrai? Oui, tu le reverras à Paris? Mais oui, sans doute. Ah! Il avait bien senti que ses interrogations, vives et qu'il se dépêchait de faire, contrariaient Anatolie. Elle lui tendit la main pour l'adieu. Ah! S'écria-t-il, je suis bête, j'ai gâté la dernière seconde. Mais non! Tu ne m'en veux pas? Mais pas du tout! Et au ton qu'elle avait, il comprit que c'était fini, qu'il aurait fallu des heures pour rendre son charme à leur intimité. Elle en eut, elle aussi, l'impression presque douloureuse. Elle adoucit et sa voix et son cœur pour dire enfin « Adieu, mon petit Laurent !» Et elle rentra chez elle. Laurent tira la porte derrière elle et s'en alla. Elle était touchée de la tendresse et elle ne dit pas le mot qu'il n'avait pas dit, de l'amour que ce garçon timide et renfermé lui témoignait. Touchée aussi de l'amitié que la petite ville dormante lui révélait à la dernière soirée par sa douceur silencieuse et sa pénombre confidentielle. Touchée et puis importunée. Malheureusement, je ne vous aime pas, disait-elle, ensemble à son cousin et à sa petite ville. Un peu plus, je vous aimerais, et vous pouvez bien m'attendrir, ce soir, où j'ai l'âme inquiète et facile. Mais vous m'ennuieriez bientôt de rechef, vous, petite ville trop fastidieuse, et toi, Laurent, qui, amoureux de moi, ne savais pas me désennuyer. Elle éprouvait un peu de coquetterie. C'était aussi la première fois qu'on lui parlait d'amour, et qu'on pleurait en lui prenant la main. Et elle badinait avec sa mélancolie. Mais elle éprouvait un scrupule à penser que Laurent, loin d'elle, pleurait à cause d'elle. Un scrupule, et puis un mécontentement à se dire qu'elle se détachait de Castillac et du passé, du présent même, assez mal. Ne laissait-elle pas, après elle, un regret? C'était un peu d'elle qui resterait. Et il lui semblait qu'elle eût le bas de sa robe pris dans des broussailles. Ah, elle se dégagerait pourtant, et sur la robe de son souvenir, elle tirait. Pauvre Laurent, il l'avait ému. Et il avait profité de la nuit où les paroles vous parviennent comme enveloppées de magie. Elle ne l'aimait pas. Il ne l'amusait pas. Qui l'amusait? Paulin? Oui, Paulin seul. Et fût-ce en l'effarant, l'amusait. D'ailleurs, elle n'aimait ni Paulin ni Laurent. Ni personne. Mais peu à peu, l'émoi que lui avait donné l'aveu passionné de Laurent tournait au bénéfice de Paulin. De qui elle n'était pas amoureuse, de qui elle était curieuse. À la pensée que Laurent fût jaloux de Paulin, elle haussait les épaules. Et Laurent l'avait offensé. L'avait-il offensé? L'avait-il averti? Maladroit, dit-elle à demi-voix, et elle sourit. Puis elle regarda sa chambre, et tout cela qu'elle ne verrait plus. Elle eut envie de pleurer, et elle souriait encore.